Sans stress comme si je fais de la formule, gadien. Micro au-dessus de j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. SO Gilles, je suis dans la cuisine. Maison piège, négro style, je suis dans la cuisine. Négro, j'exporte le linge. SO Lala, négro, exporte le linge. Elle me dit qu'elle croit qu'on est de la même planète. Chen, Zen, Yeuse, qui sait, je vois extra net. Équipe. Si, si, cette présence menaçante, négro. Derrière nous, laisse que de la sangle, négro. Si, si, cette présence menaçante, négro. Derrière nous, laisse que de la sangle, négro. Équipe. Si, si, cette présence menaçante, négro.